d'allumettes s'effriteront d'un coup, que le poids de nos têtes écrasera nos coups, que nous restera-t-il pour finir en beauté? Quand nous aurons 100 ans et de beaux souvenirs, de nos corps s'aimantant comme deux gouttes de cire, quand la moindre caresse aura l'air d'un 100 mètres, et que ta vieille maîtresse aura perdu son maître, que nous restera-t-il pour finir en beauté? Quand nous aurons 100 ans dans nos cœurs de sauvages, dans nos yeux presque blancs, nos cheveux de passage, quand nos cils tomberont comme d'un arbre à hélice, que nos jambes n'auront jamais été si lisses, quand nous aurons 100 ans et la révolte sèche, que l'inertie des temps aura brisé nos flèches, quand la fatalité nous fera dire tant pis, et qu'un point de côté nous mettra au tapis, quand nous aurons 100 ans de regard en arrière, quand ce qui nous attend sera déjà derrière, quand revenus de tout et dépassés par tous, nous attendrons surtout une sortie très douce.